Examen 4. Partie 1. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Première partie de l'enregistrement. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie téléphonique de l'Office de tourisme de Caen. Pour obtenir des informations sur nos musées, tapez 1. Pour des renseignements sur nos événements culturels ou sportifs, tapez 2. Pour connaître nos itinéraires de découverte de la ville, tapez 3. Pour tout autre type de renseignement, tapez sur la touche JS. Merci.